Les caractères par la bruyère. 10 de l'homme. Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des autres. Ils sont ainsi faits. C'est leur nature. C'est ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou que le feu s'élève. Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances. Ils changent de goût, quelquefois. Ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal ou dans l'indifférence pour la vertu. Le stoïcisme est un jeu d'esprit et une idée semblable à la République de Platon. Les stoïques ont faim qu'on pouvait vivre dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes de biens, comme à celle des parents et des amis, regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente qui ne devait ni réjouir ni rendre triste, n'être vaincu ni par le plaisir ni par la douleur, sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l'appeler un sage. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés, et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules, qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable, et l'ont exhorté à l'impossible. Ainsi, le sage qui n'est pas, ou qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne saurait lui arracher une plainte. Le ciel et la terre peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de l'univers, pendant que l'homme, qui est en effet sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces. Inquiétude d'esprit, inégalité d'humeur, inconstance de cœur, incertitude de conduite, tous vices de l'âme, mais différents, et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux, ne se supposent pas toujours l'un l'autre dans un même sujet. Il est difficile de décider si l'irrésolution rend l'homme plus malheureux que méprisable. De même s'il y a toujours plus d'inconvénients à prendre un mauvais parti qu'à n'en prendre aucun. Un homme inégal n'est pas un seul homme, ce sont plusieurs. Il se multiplie autant de fois qu'il a de nouveaux goûts et de manières différentes. Il est à chaque moment ce qu'il n'était point, et il va être bientôt ce qu'il n'a jamais été. Il se succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses complexions? Ni de quelle humeur, mais combien il y a de sortes d'humeurs? Ne vous trompez-vous point, est-ce Ticrate que vous abordez? Aujourd'hui, quelle glace pour vous! Hier, il vous recherchait. Il vous caressait, vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous reconnaît-il bien? Dites-lui votre nom. Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit. Et venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S'il marche dans les places, il se sent tout d'un coup rudement frappé à l'estomac ou au visage. Il ne soupçonne point ce que ce peut être jusqu'à ce qu'en ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un limon de charrette ou derrière un longuet de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu une fois heurter du front contre celui d'un aveugle, s'embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête à tête à la rencontre d'un prince et sur son passage se reconnaître à peine et n'avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il appelle ses balais l'un après l'autre, on lui perd tout, on lui égare tout. Il demande ses gants, qu'il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masque lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque. S'il va par la ville, après avoir fait quelques chemins, il se croit égaré, il s'émeut, et il demande où il est à des passants, qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d'où il sort précipitamment, croyant qu'il s'est trompé. Il descend du palais, et trouvant au bas du grand degré un carrosse qu'il prend pour le sien, il se met dedans. Le cocher touche, et croit ramener son maître dans sa maison. Mais Nalc se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet. Tout lui est familier, rien ne lui est nouveau. Il s'assit, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive, celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite fort civilement et le prie de s'asseoir, et croit faire les honneurs de sa chambre. Il parle, il rêve, il reprend la parole. Le maître de la maison s'ennuie et demeure étonné. Mais Nalc ne l'est pas moins, et ne dit pas ce qu'il en pense. Il a affaire à un fâcheux, un homme oisif, qui se retirera à la fin. Il l'espère et il prend patience. La nuit arrive qu'il est à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme, et se persuadant bientôt que c'est lui qui la reçoit, il s'établit dans son fauteuil et ne songe nullement à l'abandonner. Il trouve ensuite que cette dame fait ses visites longues. Il attend à tout moment qu'elle se lève et le laisse en liberté. Mais comme cela tire en longueur, qu'il a faim et que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper. Elle rit, et si haut qu'elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l'oublie le soir et découche la nuit de ses noces, et quelques années après il perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand on vient lui dire qu'on a servi, il demande si sa femme est prête et si elle est avertie. C'est lui encore qui entre dans une église et, prenant l'aveugle qui est collé à la porte pour un pilier, il s'attasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lorsqu'il entend tout d'un coup le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons. Il s'avance dans la nef, il croit voir un prie-dieu, il se jette lourdement dessus. La machine plie, s'enfonce et fait des efforts pour crier. Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d'un fort petit homme, appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épaules et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche. Il se retire confus et va s'agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière, et c'est sa pantoufle qu'il a prise pour ses heures, et qu'il a mise dans sa poche avant que de sortir. Il n'est pas hors de l'église, qu'un homme de livrée court après lui, le joint, lui demande en riant s'il n'a point la pantoufle de monseigneur. Ménalque lui montre la sienne et lui dit « Voilà toutes les pantoufles que j'ai sur moi ». Il se fouille néanmoins, et tire celle de l'évêque de X qu'il vient de quitter, qu'il a trouvé malade auprès de son feu et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle, comme l'un de ses gants qui était à terre. Ainsi Ménalque s'en retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au jeu tout l'argent qui est dans sa bourse, et voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qui lui plaît, croit la remettre où il l'a prise. Il entend aboyer dans son armoire qu'il vient de fermer. Étonné de ce prodige, il l'ouvre une seconde fois et il éclate de rire d'y voir son chien qu'il a serré pour sa cassette. Il joue au tric-trac, il demande à boire, on lui en apporte. C'est à lui à jouer, il tient le cornet d'une main et un verre de l'autre, et comme il a une grande soif, il avale les dés et presque le cornet, jette le verre d'eau dans le tric-trac et inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre où il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant faire tout le contraire. Il se promène sur l'eau et il demande quelle heure il est. On lui présente une montre, à peine l'a-t-il reçue, que ne songeant plus ni à l'heure ni à la montre, il la jette dans la rivière comme une chose qui l'embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans l'encrier. Ce n'est pas tout. Il écrit une seconde lettre, et après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l'adresse. Un duc et père reçoit l'une de ces deux lettres, et en l'ouvrant, il lit ces mots. « Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m'envoyer ma provision de foin. » Son fermier reçoit l'autre, il l'ouvre, et se la fait lire. On y trouve « Monseigneur, j'ai reçu, avec une soumission aveugle, les ordres qu'il a plu à votre grandeur. » Lui-même encore a écrit une lettre pendant la nuit, et après l'avoir cachetée, il éteint sa bougie. Il ne laisse pas d'être surpris de ne voir goutte, et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l'escalier du Louvre, un autre le monte, à qui il dit « C'est vous que je cherche ». Il le prend par la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort, il va, il revient sur ses pas. Il regarde enfin celui qu'il traîne après soi depuis un quart d'heure. Il est étonné que ce soit lui, il n'a rien à lui dire. Il lui quitte la main et tourne d'un autre côté. Souvent il vous interroge et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui répondre. Ou bien il vous demande en courant comment se porte votre père. Et comme vous lui dites qu'il est fort mal, il vous crie qu'il en est bien aise. Il vous trouve quelque autre fois sur son chemin. Il est ravi de vous rencontrer. Il sort de chez vous pour vous entretenir d'une certaine chose. Il contemple votre main. Vous avez là, dit-il, un beau rubis. Est-il balai ? Il vous quitte et continue sa route. Voilà l'affaire importante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne ? Il y a quelqu'un qui le trouve heureux d'avoir pu se dérober à la cour pendant l'automne et d'avoir passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau. Il tient à d'autres discours. Puis revenant à celui-ci, « Vous avez eu, lui dit-il, le fort beau jour à Fontainebleau. Vous y avez sans doute beaucoup chassé. » Il commence ensuite un conte qu'il oublie d'achever. Il rit en lui-même, il éclate d'une chose qui lui passe par l'esprit, il répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S'il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son assiette. Il est vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande cuillère pour la commodité du service. Il la prend, la plonge dans le plat, l'emplit, la porte à sa bouche. Et il ne sort pas d'étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses habits le potage qu'il vient d'avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner, ou s'il s'en souvient et qu'il trouve qu'on lui donne trop de vin, il n'en flappe plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite. Il boit le reste tranquillement et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu'il a jeté à terre ce qu'on lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. On lui rend visite. Il y a un cercle d'hommes et de femmes dans sa ruelle qui l'entretiennent, et en leur présence, il soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le mène au Chartreux. On lui fait voir un cloître orné d'ouvrages, tous de la main d'un excellent peintre. Le religieux qui les lui explique parle de Saint Bruno, du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire, et la montre dans l'un de ses tableaux. Ménalgue, qui pendant la narration est hors du cloître, et bien au-delà, il revient enfin et demande au père si c'est le chanoine ou Saint Bruno qui est damné. Il s'avise un matin de faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant le fruit et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là, en tous les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis pour cette affaire qui l'a empêché de dîner et l'a fait sortir à pied, de peur que son carrosse ne le fît attendre. L'entendez-vous crier, gronder, s'emporter contre l'un de ses domestiques ? Il est étonné de ne le point voir. « Où peut-il être ? » dit-il. « Que fait-il ? Qu'est-il devenu ? » ?»« Qu'il ne se présente plus devant moi, je le chasse dès 7 heures. » Le valet arrive, à qui il demande fièrement d'où il vient. Il lui répond qu'il vient de l'endroit où il l'a envoyé, et lui rend un fidèle compte de sa commission. « Vous le prendriez souvent pour tout ce qu'il n'est pas ? Pour un stupide, car il n'écoute point, et il parle encore moins. Pour un fou, car outre qu'il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des mouvements de tête involontaires. Pour un homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut. Pour un inconsidéré, car il part de banqueroute au milieu d'une famille où il y a cette tâche, d'exécution et d'échafaud devant un homme dont le père y a monté, de roture devant les roturiers qui sont riches et qui se donnent pour nobles. Il a pris aussi la résolution de marier son fils à la fille d'un homme d'affaires, et ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne se sont jamais mésalliés. Enfin, il n'est ni présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation. Il pense et il parle tout à la fois, mais la chose dont il parle est rarement celle à laquelle il pense. Aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec suite. Où il dit non, souvent il faut dire oui. Et où il dit oui, croyez qu'il veut dire non. Il a, en vous répondant, c'est juste, les yeux fort ouverts, mais il ne s'en sert point. Il ne regarde ni vous, ni personne, ni rien qui soit au monde. tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu'il est le plus appliqué et d'un meilleur commerce, ce sont ces mots. Oui, vraiment. C'est vrai. Bon, tout de bon. Oui, là. Je pense que oui. Assurément. Ah, ciel. Et quelques autres monosyllabes qui ne sont même pas placées à propos. Jamais aussi il n'est avec ceux avec qui il paraît être. Il appelle sérieusement sous la quai monsieur, et son ami l'appelle la verdure. Il dit votre révérence à un prince du sang et votre altesse à un jésuite. Il entend la messe, le prêtre vient à éternuer, il lui dit « Dieu vous assiste ». Il se trouve avec un magistrat. Cet homme, grave par son caractère, vénérable par son âge et par sa dignité, l'interroge sur un événement et lui demande si cela est ainsi. Ménalc lui répond « Oui, mademoiselle ». Il revient une fois de la campagne. Ses laquais ont livré entreprennent de le voler et y réussissent. Il descend de son carrosse, lui porte un bout de flambeau sous la gorge, lui demande la bourse et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent pas de l'interroger sur les circonstances, et il leur dit « Demandez mes gens, ils y étaient ». L'incivilité n'est pas un vice de l'âme, elle est l'effet de plusieurs vices, de la sotte vanité, de l'ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne pas se répandre que sur les dehors, elle n'en est que plus haïssable, parce que c'est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai cependant qu'il offense plus ou moins, selon la cause qui le produit. Dire d'un homme colère, inégal, querelleur, chagrin, pointilleux, capricieux, c'est son humeur, n'est pas l'excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands défauts sont irrémédiables. Ce qu'on appelle humeur est une chose trop négligée parmi les hommes. Ils devraient comprendre qu'il ne leur suffit pas d'être bons, mais qu'ils doivent encore paraître tels, du moins s'ils tendent à être sociables, capables d'union et de commerce, c'est-à-dire à être des hommes. L'on n'exige pas des âmes malignes qu'elles aient de la douceur et de la souplesse. Elles ne leur manquent jamais, et elles leur servent de piège pour surprendre les simples et pour faire valoir leurs artifices. L'on désirait de ceux qui ont un bon cœur qu'ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants, et qu'il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nuisent et les bons qui font souffrir. Le gommant des hommes va de la colère à l'injure. Quelques-uns en usent autrement. Ils offensent et puis ils se fâchent. La surprise où l'on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place au ressentiment. Les hommes ne s'attachent pas assez à ne point manquer les occasions de faire plaisir. Il semble que l'on entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et n'en rien faire. La chose la plus prompte et qui se présente d'abord, c'est le refus, et l'on n'accorde que par réflexion. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général et de chacun d'eux en particulier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'esprit en est le père. Il est difficile qu'un fort malhonnête homme ait assez d'esprit. Un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à celui qui s'opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux. L'on cherche en vain à le corriger par des traits de satire qui le désignent aux autres, et il ne se reconnaît pas lui-même. Ce sont des injures dites à un sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique, qu'un coquin ne le fût pas au point d'être privé de tout sentiment. Il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous apportons en naissant et que nous fortifions par l'habitude. Il y en a d'autres que l'on contracte et qui nous sont étrangers. L'on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance et tout le désir de plaire. Mais par les traitements que l'on reçoit de ceux avec qui l'on vit ou de qui l'on dépend, l'on est bientôt jeté hors de ses mesures et même de son naturel. L'on a des chagrins et une bile que l'on ne se connaissait point. L'on se voit une autre complexion. L'on est enfin étonné de se trouver dur et épineux. L'on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne composent pas une seule nation, et n'ont point voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des mêmes usages et d'un même culte. Et moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de voir jusqu'à 7 ou 8 personnes se rassembler sous un même toit, dans une même enceinte, et composer une seule famille. Il y a d'étranges pères et dont toute la vie ne semble occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort. Tout est étranger dans l'humeur, les mœurs et les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie, chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d'un courage fier et éloigné de toute bassesse. Les besoins de la vie, la situation où l'on se trouve, la loi de la nécessité force la nature et y cause ces grands changements. Ainsi tel homme, au fond et en lui-même, ne se peut définir. Trop de choses qui sont hors de lui l'altèrent, le changent, le bouleversent. Il n'est point précisément ce qu'il est ou ce qu'il paraît être. La vie est courte et ennuyeuse. Elle se passe tout à désirer. L'on remet à l'avenir son repos et ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive qui nous surprend encore dans les désirs. On en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint. Si l'on eût guéri, ce n'était que pour désirer plus longtemps. Lorsqu'on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l'on espère. Est-on sûr d'avoir, on temporise, on parlemente, on capitule. Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heureux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être acheté par mille peines, qu'une affaire qui se rend facile devient suspecte. L'on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantageux, ou qu'avec des mesures justes, l'on doit aisément parvenir à la fin que l'on se propose. L'on croit mériter les bons succès, mais n'y devoir compter que fort rarement. L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette dernière ressource. Quoi que j'aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont tort. Les hommes semblent être nés pour l'infortune, la douleur et la pauvreté. Peu en échappent, et comme toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce. Les hommes ont tant de peine à s'approcher sur les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appartient et si bas ce qui appartient aux autres, que j'avoue que je ne sais pas où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances. À quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur, l'inhumanité de fermeté et la fourberie d'esprit. Les fourbes croient aisément que les autres le sont. Ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps. Je me rachèterai toujours fort volontiers d'être fourbe, par être stupide et passé pour tel. On ne trompe point en bien. La fourberie ajoute la malice au mensonge. S'il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu'on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent autant de vanité que de distinction d'avoir su, pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment voulez-vous qu'Hérophile, à qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux-mêmes qu'il a ou manqué de servir ou désobligé, ne présume pas infiniment de soi et de son industrie? L'on entend dans les places et dans les rues des grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d'exploit, de saisie, d'interrogatoire, de promesse et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le monde la plus petite équité? Serait-il au contraire rempli de gens qui demandent froidement ce qu'ils n'auraient pas dû, ou qui refusent nettement de rendre ce qu'ils doivent? Par chemin inventé pour faire souvenir ou pour convaincre les hommes de leurs paroles, honte de l'humanité. Ôter les passions, l'intérêt, l'injustice, quel calme dans les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n'y font pas le tiers de l'embarras. Rien n'engage tant un esprit raisonnable à supporter tranquillement des parents et des amis les torts qu'ils ont à son égard, que la réflexion qu'il fait sur les vices de l'humanité, et combien il est pénible aux hommes d'être constants, généreux, fidèles, d'être touchés d'une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il connaît leur portée, il n'exige point d'eux qu'ils pénètrent les corps, qu'ils volent dans l'air, qu'ils aient de l'équité. Il peut haïr les hommes en général, où il y a si peu de vertu. Mais il excuse les particuliers, il les aime même par des motifs plus relevés, il s'étudie à mériter le moins qu'il se peut une pareille indulgence. Il est de certains biens que l'on désire avec emportement, et dont l'idée seule nous enlève et nous transporte. S'il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu'on ne l'eût pensé, on en jouit moins que l'on aspire encore à de plus grands. Il y a des mots effroyables et d'horribles malheurs où l'on ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S'il arrive que l'on y tombe, l'on se trouve des ressources que l'on ne se connaît point. L'on se roidit contre son infortune, et l'on fait mieux qu'on ne l'espérait. Il ne faut quelquefois qu'une jolie maison dont on hérite, qu'un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître, qu'une tapisserie, qu'une pendule, pour adoucir une grande douleur, et pour faire moins sentir une grande perte. Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu'ils se feraient alors une plus grande affaire de leur établissement, qu'ils ne s'en font dans l'état où sont les choses. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter. Si elle est heureuse, il est horrible de la perdre. L'un revient à l'autre. Il n'y a rien que les hommes aient mieux à conserver et qu'ils ménagent moins que leur propre vie. Irène se transporte à grands frais en Épidaure, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle a ses recrues de fatigue. Et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies, et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. « Ma vue s'affaiblit, » dit Irène. « Prenez des lunettes, » dit Esculape. « Je m'affaiblis moi-même, » continue-t-elle, « et je ne suis ni si forte ni si saine que j'ai été. »« C'est, » dit le dieu, « que vous vieillissez. » Mais quel moyen de guérir cette langueur ? Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. « Fils d'Apollon, » s'écrie Irène, « quel conseil me donnez-vous ? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre ? Que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux ? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez ? Que n'en usiez-vous donc ? Répond le dieu, sans venir me chercher de si loin et abréger vos jours par un long voyage. La mort n'arrive qu'une fois et se fait sentir à tous les moments de la vie. Il est plus dur de l'appréhender que de la souffrir. L'inquiétude, la crainte, l'abattement n'éloignent pas la mort, au contraire. Je doute seulement que le riz excessif convienne aux hommes, qui sont mortels. Ce qu'il y a de certain de la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle l'éternité. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la florissante jeunesse qui n'est plus et qui ne reviendra point, la caducité suivra, qu'il nous fera regretter l'âge viril où nous sommes encore et que nous n'estimons pas assez. L'on craint la vieillesse que l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. L'on espère de vieillir et l'on craint la vieillesse, c'est-à-dire l'on aime la vie et l'on fuit la mort. C'est plutôt fait de céder à la nature et de craindre la mort que de faire de continuels efforts, s'armer de raison et de réflexion, et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne la pas craindre. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante affliction que de mourir. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort, afin que la mort même devienne un soulagement, et à ceux qui meurent, et à ceux qui restent. À parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de mettre fin à la vieillesse. La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle qui la termine. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. S'ils repassent alors sur tout le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertu ni action louable qui les distingue les unes des autres. Ils confondent leurs différents âges, ils n'y voient rien qui marque assez pour mesurer le temps qu'ils ont vécu, ils ont eu un songe confus, uniforme et sans aucune suite. Ils sentent néanmoins, comme ceux qui s'éveillent, qu'ils ont dormi longtemps. Il n'y a pour l'homme que trois événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Il y a un temps où la raison n'est pas encore, où l'on ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps où la raison se développe, où elle est formée, et où elle pourrait agir, si elle n'était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la complexion, et par un enchaînement de passions qui se succèdent les unes aux autres, et conduisent jusqu'au troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devrait produire, mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine qui est dans son déclin, et s'étend néanmoins sur la vie de l'homme. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Les enfants n'ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent. Le caractère de l'enfance paraît unique. Les mœurs, dans cet âge, sont assez les mêmes, et ce n'est qu'avec une curieuse attention qu'on en pénètre la différence. Elle augmente avec la raison, parce qu'avec celle-ci croissent les passions et les vices qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux et si contraires à eux-mêmes. Les enfants ont déjà de leur âme l'imagination et la mémoire, c'est-à-dire ce que les vieillards n'ont plus. Ils en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amusements. C'est par elles qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu dire, qu'ils contrefont tout ce qu'ils ont vu faire, qu'ils sont de tout métier, soit qu'ils s'occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu'ils imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste, qu'ils se trouvent un grand festin et y font bonne chère, qu'ils se transportent dans des palais et dans des lieux enchantés, que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cortège, qu'ils conduisent des armées, livrent bataille, et jouissent du plaisir de la victoire, qu'ils parlent au roi et au plus grand prince, qu'ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, possèdent des trésors, qu'ils peuvent faire de feuilles d'arbres ou de grains de sable. Et ce qu'ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à cet âge être les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur propre félicité. Il n'y a nul vice extérieur et nul défaut du corps qui ne soit aperçu par les enfants. Ils les saisissent d'une première vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables. On ne nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont moqués. L'unique soin des enfants est de trouver l'endroit faible de leur maître, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès qu'ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus et prennent sur eux un ascendant qu'ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer. La paresse, l'indolence et l'oisiveté, vices si naturels aux enfants, disparaissent dans leur jeu, où ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu'ils ont manquée. Présage certain qu'ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais qu'ils n'oublieront rien pour leur plaisir. Aux enfants, tout paraît grand, les cours, les jardins, les édifices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes, les choses du monde paraissent ainsi, et j'ose dire par la même raison, parce qu'ils sont petits. Les enfants commencent entre eux par l'état populaire, chacun y est le maître, et ce qui est bien naturel, ils ne s'en accommodent pas longtemps et passent au monarchique. Quelqu'un se distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux différents et des petites lois qui les composent. Les autres lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur le plaisir. Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu'ils ne jugent, qu'ils ne raisonnent conséquemment? Si c'est seulement sur de petites choses, c'est qu'ils sont enfants, et sans une longue expérience, et si c'est en mauvais termes, c'est moins leur faute que celle de leurs parents ou de leurs maîtres. C'est mettre toute confiance dans l'esprit des enfants et leur devenir inutile que de les punir des fautes qu'ils n'ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent précisément et mieux que personne ce qu'ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu'ils craignent. Ils connaissent si c'est à tort ou à raison qu'on les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que par l'impunité. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en commet pendant tout le cours de sa vie, et tout ce que l'on peut faire à force de faillir, c'est de mourir corrigé. Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter de faire une sottise. Le récit de ses fautes est pénible. On veut les couvrir et en charger quelque autre. C'est ce qui donne le pas au directeur sur le confesseur. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à prévoir qu'elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles qu'à ceux qui les font. L'esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu'aux petitesses du peuple. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu'il a gagnée à veiller sa femme qu'il n'aimait point. Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être estimés, parce que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus être vertueux, mais aimer l'estime et les louanges, ou être vain. Les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi. Un homme modeste ne parle point de soi. On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle est un vice honteux, quand ce qu'elle n'ose se montrer, et qu'elle se cache souvent sous les apparences de son contraire. La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. Elle fait que l'homme vain ne paraît point tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère. C'est un mensonge. La fausse gloire est l'écueil de la vanité. Elle nous conduit à vouloir être estimés par des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu'on les relève. C'est une erreur. Les hommes parlent de manière sur ceux qui les regardent, qu'ils n'avouent d'eux-mêmes que de petits défauts, et encore ceux qui supposent en leur personne de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi, l'on se plaint de son peu de mémoire, content d'ailleurs de son grand sens et de son bon jugement. L'on reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s'il nous accordait le bel esprit. L'on dit de soi qu'on est maladroit, et qu'on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte de ses petits talents par ceux de l'esprit, ou par les dons de l'âme, que tout le monde nous connaît. L'on fait l'aveu de sa paresse en des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que l'on est guéri de l'ambition. L'on ne rougit point de sa malpropreté, qui n'est qu'une négligence pour les petites choses, et qui semble supposer qu'on n'a d'application que pour les solides et essentielles. Un homme de guerre aime à dire que c'était par trop d'empressement ou par curiosité qu'il se trouva un certain jour à la tranchée, ou en quelque autre poste très périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute qu'il en fut repris de son général. De même, une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence que les hommes cherchent vainement à acquérir, qui a fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience, que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupent seulement et n'accablent point. Qui, par l'étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les événements, qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres, et sur qui ses premières règles ont été faites, qui est détourné par les grandes choses qu'il fait, des belles ou des agréables qu'il pourrait lire, et qui au contraire ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions. Un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se compromettre, qu'il ne connaît aucun livre et qu'il ne lit jamais. On veut quelquefois cacher ses faibles ou en diminuer l'opinion par l'aveu libre que l'on en fait. Tel dit « Je suis ignorant, qui ne sait rien ». Un homme dit « Je suis vieux, il passe 60 ans ». Un autre encore « Je ne suis pas riche, et il est pauvre ». La modestie n'est point ou est confondue avec une chose tout différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur qui avilit l'homme à ses propres yeux, et qui est une vertu surnaturelle qu'on appelle l'humilité. L'homme, de sa nature, pense hautement et superbement de lui-même et ne pense ainsi que de lui-même. La modestie ne tend qu'à faire que personne n'en souffre. Elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir extérieurement avec les autres comme s'il n'était pas vrai, qu'il les compte pour rien. Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement et par habitude la comparaison d'eux-mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite et agissent conséquemment. Vous dites qu'il faut être modeste. Les gens bien nés ne demandent pas mieux. Faites seulement que les hommes n'empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie et ne brisent pas ceux qui plient. De même, l'on dit, il faut avoir des habits modestes. Les personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde veut de la parure, on lui en donne. Il est avide de la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n'estiment les autres que par du beau linge ou par une riche étoffe. L'on ne refuse pas toujours d'être estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir. Un galon d'or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser. Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre égard qui y est quelquefois et qui souvent n'y est pas. Une personne modeste n'a point cette délicatesse. Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime et ne parlent ensemble que pour s'entretenir de notre mérite et faire notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui nous empêche de croire qu'on ne se parle à l'oreille que pour dire du mal de nous et que l'on ne rit que pour s'en moquer. D'où vient qu'Alcippe me salue aujourd'hui, me sourit et se jette hors d'une portière de peur de me manquer? Je ne suis pas riche et je suis à pied. Il doit, dans les règles, ne me pas voir. N'est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec un grand? L'on est si rempli de soi-même que tout s'y rapporte. L'on aime à être vu, à être montré, à être salué, même des inconnus. Ils sont si fiers s'ils l'oublient. L'on veut qu'ils nous devinent. Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes et dans l'opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d'envie, de caprices et de préventions. Quelle bizarrerie! Il semble que l'on ne puisse rire que des choses ridicules. L'on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu'il vous échappe devant eux quelque impertinence, ils rient de vous. Si vous êtes sage, et que vous ne disiez que des choses raisonnables, et du ton qu'il les faut dire, ils rient d'eux-mêmes. Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l'injustice, et qui nous ôtent l'honneur par la calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous, mais ils ne nous prouvent pas également qu'ils aient perdu à notre égard toutes sortes d'estime. Aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins. Elle est le langage du mépris et l'une des manières dont il se fait le mieux entendre. Elle attaque l'homme dans son dernier retranchement. Qui est l'opinion qu'il a de soi-même. Elle veut le rendre ridicule à ses propres yeux. Et ainsi, elle le convainc de la plus mauvaise disposition où l'on puisse être pour lui et le rend irréconciliable. C'est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en nous de railler, d'improuver et de mépriser les autres. Et tout ensemble, la colère que nous ressentons contre ceux qui nous raillent, nous improuve et nous méprise. La santé et les richesses, autant aux hommes l'expérience du mal leur inspire la dureté pour leurs semblables, et les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage par la compassion dans celle d'autrui. Il semble qu'aux âmes bien nées, les fêtes, les spectacles, la symphonie rapprochent et font mieux sentir l'infortune de nos proches ou de nos amis. Une grande âme est au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur, de la moquerie. Il serait invulnérable s'il ne souffrait pas la compassion. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. On est prompt à connaître ses plus petits avantages et lent à pénétrer ses défauts. On n'ignore point qu'on a de beaux sourcils, les ongles bien faits. On sait à peine que l'on est borgne. On ne sait point du tout que l'on manque d'esprit. Argir tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu'elle a le pied petit. Elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents. Si elle montre son oreille, c'est qu'elle l'a bien faite, et si elle ne danse jamais, c'est qu'elle est peu contente de sa taille, qu'elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts à l'exception d'un seul, elle parle toujours et n'a point d'esprit. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur et idolâtrent les talents du corps et de l'esprit. Celui qui lit froidement de soi et sans croire blesser la modestie, qu'il est bon, qu'il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n'ose dire qu'il est vif, qu'il a les dents belles et la peau douce, cela est trop fort. Il est vrai qu'il y a deux vertus que les hommes admirent, la bravoure et la liberté, parce qu'il y a deux choses qu'ils estiment beaucoup et que ces vertus font négliger, la vie et l'argent. Aussi, personne n'avance de soi qu'il est brave et libéral. Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu'il est beau, qu'il est généreux, qu'il est sublime. On a mis ses qualités à un trop haut prix. On se contente de le penser. Quelque rapport qu'il paraisse de la jalousie à l'émulation, il y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre le vice et la vertu. La jalousie et l'émulation s'exercent sur le même objet, qui est le bien ou le mérite des autres, avec ces différences que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend l'âme féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte souvent au-dessus de ce qu'elle admire, et que celle-là, au contraire, est un mouvement violent, et comme un aveu contraint du mérite qui est hors d'elle, qu'elle va même jusqu'à nier la vertu dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaître, lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses. Une passion stérile qui laisse l'homme dans l'état où elle le trouve, qu'il remplit de lui-même, de l'idée de sa réputation, le rend froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages d'autrui, qui fait qu'il s'étonne de voir dans le monde d'autres talents que les siens, ou d'autres hommes avec les mêmes talents dont il se pique. Vice honteux, et qui par son excès rentre toujours dans la vanité et dans la présomption, et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé qu'il a plus d'esprit et de mérite que les autres, qui lui fait croire qu'il a lui seul de l'esprit et du mérite. L'émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les personnes de même art, de même talent et de même condition. Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui font profession des arts libéraux ou des belles lettres, les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent d'écrire, ne devraient être capables que d'émulation. Toute jalousie n'est point exemple de quelque envie, et souvent même, ces deux passions se confondent. L'envie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle qu'excite dans notre âme les conditions fort élevées au-dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère. L'envie et la haine s'unissent toujours et se fortifient l'une l'autre dans un même sujet. Et elles ne sont reconnaissables entre elles qu'en ce que l'une s'attache à la personne, l'autre à l'état et à la condition. Un homme d'esprit n'est point jaloux d'un ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d'un statuaire qui vient d'achever une belle figure. Il sait qu'il y a dans ses arts des règles et une méthode qu'on ne devine point, qu'il y a des outils à manier dont il ne connaît ni l'usage, ni le nom, ni la figure. Il lui suffit de penser qu'il n'a point fait l'apprentissage d'un certain métier pour se consoler de n'y être point maître. Il peut au contraire être susceptible d'envie et même de jalousie contre un ministre et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens, qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments qui servent à régir un État et à présider aux affaires publiques, et qu'il dût suppléer aux règles, aux préceptes, à l'expérience. l'on voit peu d'esprits entièrement lourds et stupides. L'on en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le commun des hommes nage entre ces deux extrémités. L'intervalle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui sont d'un grand usage, servent à la République, et renferment en soi l'utile et l'agréable, comme le commerce, les finances, les détails des armées, la navigation, les arts, les métiers, l'heureuse mémoire, l'esprit du jeu, celui de la société et de la conversation. Tout l'esprit qui est au monde est inutile à celui qui n'en a point. Il n'a nulle vue, il est incapable de profiter de celle d'autrui. Le premier degré dans l'homme, après la raison, ce serait de sentir qu'il l'a perdue. La folie même est incompatible avec cette connaissance. De même, ce qu'il y aurait en nous de meilleur après l'esprit, ce serait de connaître qu'il nous manque. Par là, on ferait l'impossible. On saurait sans esprit n'être pas un sot, ni un impertinent. Un homme qui n'a de l'esprit que dans une certaine médiocrité est sérieux et tout d'une pièce. Il ne rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. Aussi incapable de s'élever aux grandes choses que de s'accommoder, même par relâchement, des plus petites, il sait à peine jouer avec ses enfants. Tout le monde le dit d'un fat qu'il est un fat. Personne n'ose le dire de lui-même. Il meurt sans le savoir et sans que personne se soit vengé. Quelle mésintelligence entre l'esprit et le cœur! Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique rempli de vues et de réflexions ne sait pas se gouverner. L'esprit s'use comme toute chose. Les sciences sont ses aliments. Elles le nourrissent et le consument. Les petits sont quelquefois chargés de 1000 vertus inutiles. Ils n'ont pas de quoi les mettre en œuvre. Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le poids de la faveur et de l'autorité, qui se familiarisent avec leur propre grandeur, et qui la tête ne tourne point dans les postes les plus élevés. Ceux, au contraire, que la fortune aveugle, sans choix et sans discernement, a comme accablé de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans modération. Leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès marquent longtemps en eux l'admiration où ils sont d'eux-mêmes et de se voir si éminents. Ils deviennent si farouches que leur chute seule peut les apprivoiser. Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd fardeau. Il reste encore un bras de libre. Un nain serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les postes éminents rendent les grands hommes encore plus grands et les petits beaucoup plus petits. Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires. Ils voguent, ils cinglent dans une mer où les autres échouent et se brisent. Ils parviennent en blessant toutes les règles de parvenir. Ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits d'une sagesse la plus consommée. Hommes dévoués à d'autres hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié, en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les amusent. Les personnes de mérite et de service sont utiles aux grands. Ceux-ci leur sont nécessaires. Ils blanchissent auprès d'eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d'exploit dont ils attendent la récompense. Ils s'attirent, à force d'être plaisants, des emplois graves, et s'élèvent par un continuel enjouement jusqu'au sérieux des dignités. Ils finissent enfin et rencontrent inopinément un avenir qu'ils n'ont ni craint ni espéré. Ce qui reste d'eux sur la terre, c'est l'exemple de leur fortune, fatale à ceux qui voudraient le suivre. L'on exigerait de certains personnages qui ont une fois été capables d'une action noble, héroïque, et qui a été sue de toute la terre, que sans paraître comme épuisés par un grand effort, ils eussent du moins, dans le reste de leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque même dans les hommes ordinaires. Qu'ils ne tombassent point dans des petitesses indignes de la haute réputation qu'ils avaient acquise. Que se mêlant moins dans le peuple, et nul laissant point le loisir de les voir de près, ils ne le fissent point passer de la curiosité et de l'admiration à l'indifférence et peut-être au mépris. Il coûte moins à certains hommes de s'enrichir de 1000 vertus que de se corriger d'un seul défaut. Ils sont même si malheureux que ce vice est souvent celui qui convenait le moins à leur état et qui pouvait leur donner dans le monde plus de ridicule. Il affaiblit l'éclat de leurs grandes qualités, empêche qu'ils ne soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soit entière. On ne leur demande point qu'ils soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu'ils soient plus amis de l'ordre et de la discipline, plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves. On veut seulement qu'ils ne soient point amoureux. Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si différents d'eux-mêmes par le cœur et par l'esprit qu'on est sûr de se méprendre, si l'on en juge seulement par ce qu'apparut d'eux dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse inséparable d'une trop riante fortune, ne le sont plus. L'on en sait d'autres qui ont commencé leur vie par les plaisirs et qui ont mis ce qu'ils avaient d'esprit à les connaître, que les disgrâces ensuite ont rendu religieux, sages, tempérants. Ces derniers sont pour l'ordinaire de grands sujets et sur qui l'on peut faire beaucoup de fonds. Ils ont une probité prouvée par la patience et par l'adversité. Ils entrent sur cette extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règles, de réflexion et quelquefois une haute capacité qu'ils doivent à la chambre et au loisir d'une mauvaise fortune. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul. De là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, l'ignorance, la médisance, l'envie, l'oubli de soi-même et de Dieu. L'homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même. Les ténèbres, la solitude, le trouble, le jettent dans des craintes frivoles et dans de vaines terreurs. Le moindre mal, alors, qui puisse lui arriver est de s'ennuyer. L'ennui est entré dans le monde par la paresse. Elle a beaucoup de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail a assez de soi-même. La plupart des hommes emploient la meilleure partie de leur vie à rendre l'autre misérable. Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent par Z. Le bon, le mauvais, le pire, tout y entre. Rien, en un certain genre, n'est oublié. Quelle recherche, quelle affectation dans ces ouvrages. On les appelle des jeux d'esprit. De même, il y a un jeu dans la conduite. On a commencé, il faut finir. On veut fournir toute la carrière. Il serait mieux ou de changer ou de suspendre, mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre. On poursuit. On s'anime par les contradictions. La vanité soutient, supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles mêmes où il entre de la religion. Il n'y a que nos devoirs qui nous coûtent parce que leur pratique, ne regardant que les choses que nous sommes étroitement obligés de faire, elle n'est pas suivie de grands éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions louables et qui nous soutient dans nos entreprises. N aime une piété fastueuse qui lui attire l'intendance des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public où se font les distributions. Les gens à petit collet et les sœurs grises y ont une libre entrée. Toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui pourrait douter qu'il soit homme de bien, si ce n'est peut-être ses créanciers? Géronte meurt de caducité, et sans avoir fait ce testament qu'il projetait depuis 30 années. 10 têtes viennent ab intestate partager la succession. Il ne vivait depuis longtemps que par les soins d'Astérie, sa femme, qui jeune encore s'était dévouée à sa personne, ne le perdait pas de vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passer pour vivre d'un autre vieillard. Laisser perdre charge et bénéfice plutôt que de vendre ou de résigner, même dans son extrême vieillesse, c'est se persuader qu'on n'est pas du nombre de ceux qui meurent, ou si l'on croit que l'on peut mourir, c'est s'aimer soi-même et n'aimer que soi. Faust est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat, un emporté. Corel, son oncle, n'a pu haïr ni déshériter. Frontin, neveu d'Aurel, après 20 années d'une probité connue et d'une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l'a pu fléchir en sa faveur et ne tire de sa dépouille qu'une légère pension que Faust, unique légataire, lui doit payer. Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus grand signe de mort dans un homme malade, c'est la réconciliation. L'on s'insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les soins que l'on peut leur rendre. De là vient que celui qui se porte bien et qui désire peu de choses est moins facile à gouverner. La mollesse et la volupté naissent avec l'homme et ne finissent qu'avec lui. Ni les heureux ni les tristes événements ne l'en peuvent séparer. c'est pour lui ou le fruit de la bonne fortune ou un dédommagement de la mauvaise. Ce n'est pas le besoin d'argent où les vieillards peuvent appréhender de tomber un jour, qui les rend avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds qu'ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude. Et d'ailleurs, comment pourraient-ils craindre de manquer dans leur caducité des commodités de la vie, puisqu'ils s'en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire leur avarice. Ce n'est point aussi l'envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants, car il n'est pas naturel d'aimer quelque autre chose plus que soi-même, outre qu'il se trouve des avares qui n'ont point d'héritier. Ce vice est plutôt l'effet de l'âge et de la complexion des vieillards, qui s'y abandonnent aussi naturellement qu'ils suivaient leur plaisir dans leur jeunesse, ou leur ambition dans l'âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé pour être avare. L'on n'a aussi nul besoin de s'empresser, de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus. Il faut laisser seulement son bien dans ses coffres et se priver de tout. Cela est commode aux vieillards, à qui il faut une passion parce qu'ils sont hommes. Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal habillés et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui se privent eux-mêmes de la société des hommes et passent leurs jours dans la solitude, qui souffrent du présent, du passé et de l'avenir, dont la vie est comme une pénitence continuelle et qui ont ainsi trouvé le secret d'aller à leur perte par le chemin le plus pénible, ce sont les avares. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards. Ils aiment les lieux où ils l'ont passé. Les personnes qu'ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères. Ils affectent quelques mots du premier langage qu'ils ont parlé. Ils tiennent pour l'ancienne manière de chanter et pour la vieille danse. Ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les meubles et les équipages. Ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leur passion, qui étaient si utiles à leur plaisir et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes où ils n'ont nulle part, dont ils n'espèrent rien, que les jeunes gens ont fait et dont ils tirent à leur tour de si grands avantages contre la vieillesse. Une trop grande négligence comme une excessive parure dans les vieillards multiplie leurs rides et font mieux voir leur caducité. Un vieillard est fier, dédaigneux et d'un commerce difficile s'il n'a beaucoup d'esprit. Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable. Il est plein de faits et de maximes. L'on y trouve l'histoire du siècle revêtue de circonstances très curieuses et qui ne se lisent nulle part. L'on y apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs qui sont toujours sûres, parce qu'elles sont fondées sur l'expérience. Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s'accommodent mieux de la solitude que les vieillards. Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la mollesse. Il passe aux petites délicatesses. Il s'est fait un art du boire, du manger, du repos et de l'exercice. Les petites règles qu'il s'est prescrites et qui tendent toutes aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule. Il s'est accablé de superfluité, que l'habitude enfin lui rend nécessaire. Il double ainsi et renforce le lien qu'il attache à la vie. Il veut employer ce qui lui en reste à rendre la perte plus douloureuse. N'appréhendait-il pas assez de mourir ? Gnaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'il n'était point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit. Il roule les yeux en mangeant. La table est pour lui un râtelier. Il écure ses dents et il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement et ne souffre pas d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage. Ses balais, ceux d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipage. Il embrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Cliton n'a jamais eu toute sa vie que deux affaires qui sont de dîner le matin et de souper le soir. Il ne sent le nez que pour la digestion. Il n'a de même qu'un entretien. Il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il s'est trouvé. Il dit combien il y a eu de potage et quel potage. Il place ensuite le rôt et les entremets. Il se souvient exactement de quel plat on a relevé le premier service. Il n'oublie pas les hors-d'œuvre, le fruit et les assiettes. Il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu. Il possède le langage des cuisines autant qu'il peut s'étendre, et il me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le change, et il ne s'est jamais vu exposé à l'horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire d'un vin médiocre. C'est un personnage illustre dans son genre, et qui a porté l'art de se bien nourrir jusque où il pouvait aller. On ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien. Aussi est-il l'arbitre de bons morceaux, et il n'est guère permis d'avoir du goût pour ceux qu'il désapprouve. Mais il n'est plus. Il s'est fait du moins porter à table jusqu'au dernier soupir. Il donnait à manger le jour qu'il est mort. Quelque part où il soit, il mange. Et s'il revient au monde, c'est pour manger. Ruffin commence à grisonner, mais il est sain. Il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent encore 20 années de vie. Il est gai, jovial, familier, indifférent. Il rit de tout son cœur. Il rit tout seul et sans sujet. Il est content de soi, des siens, de sa petite fortune. Il dit qu'il est heureux. Il perd son fils unique, jeune homme d'une grande espérance, et qui pouvait un jour être l'honneur de sa famille. Il remet sur d'autres le soin de le pleurer. Il dit « Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère. » Et il est consolé. Il n'a point de passion, il n'a ni ami ni ennemi, personne ne l'embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui est propre. Il parle à celui qu'il voit une première fois avec la même liberté et la même confiance qu'à ceux qu'il appelle de vieux amis. Et il lui fait part bientôt de ses colibets et de ses historiettes. On l'aborde, on le quitte sans qu'il y fasse attention, et le même conte qu'il a commencé de faire à quelqu'un, il l'achève à celui qui prend sa place. N est moins affaibli par l'âge que par la maladie, car il ne passe point 68 ans, mais il a la goutte et il est sujet à une colique néphrétique. Il a le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine. Il fait marner sa terre, et il compte que de 15 ans entiers il ne sera obligé de la fumer. Il plante un jeune bois, il espère qu'en moins de 20 années il lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue X une maison de pierre de taille raffermie dans les encoignures par des mains de fer et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et débile, qu'on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses ateliers sur le bras d'un balai qui le soulage. Il montre à ses amis ce qu'il a fait et il leur dit ce qu'il a dessein de faire. Ce n'est pas pour ses enfants qu'il bâtit, car il n'en a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillées avec lui. C'est pour lui seul, et il mourra demain. Antagoras a un visage trivial et populaire. Un Suisse de paroisse sous le sein de pierre qui orne le grand hôtel n'est pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin toutes les chambres et tous les grèves d'un parlement, et le soir les rues et les carrefours d'une ville. Il plaide depuis 40 ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d'affaires. Il n'y a point eu au palais depuis tout ce temps de causes célèbres ou de procédures longues et embrouillées où il n'est du moins intervenu. Aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l'avocat et qui s'accorde avec le demandeur ou le défendeur comme le substantif et l'adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n'y a guère de famille dont il ne se plaigne et qui ne se plaigne de lui. Appliqué successivement à saisir une terre, à s'opposer au sceau, c'est-à-dire s'opposer à la vente d'une charge ou d'une rente sur l'État, à se servir d'un comitimus ou à mettre un arrêt à exécution, outre qu'il assiste chaque jour à quelques assemblées de créanciers, partout syndic de direction et perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses visites. Vieux meubles de ruelle où il parle procès et dit des nouvelles. Vous l'avez laissé dans une maison au Marais, vous le retrouverez au Grand Faubourg où il vous a prévenu et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l'un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous donner audience quand Agora soit expédié. Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse, après avoir causé autant de maux qu'ils en ont souffert. Il faut des saisies de terres et des enlèvements de meubles, des prisons et des supplices, je l'avoue. Mais justice, loi et besoin à part se mettent une chose toujours nouvelle, de contempler avec quelle férocité les hommes traitent d'autres hommes. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par les campagnes, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant, médisant, querelleur, fourbe, intempérant, impertinent. Mais il tire l'épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie. Il a tué des hommes, il sera tué. Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-même, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite, répète 10 fois le jour qu'il est gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu'il ne changerait pas contre les masses d'un chancelier. Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l'industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l'impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en 1000 manières différentes et compensées l'une par l'autre en divers sujets, forment aussi les divers états et les différentes conditions. Les hommes d'ailleurs, qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns ont sur eux et celle qu'ils ont sur quelques autres, et de là naissent entre eux ou la familiarité, ou le respect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De cette source, bien que dans les endroits publics et où le monde se rassemble, on se trouve à tout moment entre celui que l'on cherche à aborder ou à saluer et cet autre que l'on feint de ne pas connaître et dont l'on veut encore moins se laisser joindre. Que l'on se fait honneur de l'un et qu'on a honte de l'autre. Qu'il arrive même que celui dont vous vous faites honneur et que vous voulez retenir est celui aussi qui est embarrassé de vous et qui vous quitte. Et que le même est souvent celui qui rougit d'autrui et dont on rougit, qui dédaigne ici et qui là est dédaigné. Il est encore assez ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle misère! Et puisqu'il est vrai que dans un si étrange commerce, ce que l'on pense gagner d'un côté, on le perd de l'autre, ne reviendrait-il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux faibles hommes, et de composer ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec l'avantage de n'être jamais mortifié, nous procurait un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne? Bien loin de s'effrayer ou de rougir même du nom de philosophe, il n'y a personne au monde qui ne doit avoir une forte teinture de philosophie. Elle convient à tout le monde. La pratique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutes les conditions. Elle nous console du bonheur d'autrui, des indignes préférences, des mauvais succès, du déclin de nos forces ou de notre beauté. Elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs. Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de petites joies et se laissent dominer par de petits chagrins. Rien n'est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n'estimer les choses du monde précisément que ce qu'elles valent. Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croit assez heureux qu'un homme modeste qui se croit trop malheureux. Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m'empêche de m'estimer malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui me manquent. Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur qui est de se trouver en faute et d'avoir quelque chose à se reprocher. La plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. Leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs commencements. Ils se laissent souvent devancer par d'autres qui sont partis après eux et qui marchent lentement mais constamment. J'ose presque assurer que les hommes savent encore mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire que de faire ou de dire ce qu'il faut. On se propose fermement, dans une affaire qu'on négocie, de taire une certaine chose, et ensuite, ou par passion, ou par une intempérance de langue, ou dans la chaleur de l'entretien, c'est la première qui échappe. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur devoir, pendant qu'ils se font un mérite, ou plutôt une vanité, de s'empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère. La différence d'un homme qui se revêt d'un caractère étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle d'un masque à un visage. Tel élève a de l'esprit, mais 10 fois moins de compte fait qu'il ne présume d'en avoir. Il est donc, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il médite et ce qu'il projette, 10 fois au-delà de ce qu'il a d'esprit. Il n'est donc jamais dans ce qu'il a de force et d'étendue. Ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière qui le ferme et qui devrait l'avertir de s'arrêter en deçà. Mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère. Il trouve lui-même son endroit faible et se montre par cet endroit. Il parle de ce qu'il ne sait point et de ce qu'il sait mal. Il entreprend au-dessus de son pouvoir, il désire au-delà de sa portée. Il s'égale à tout ce qu'il y a de meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable, qu'il offusque par l'affectation du grand ou du merveilleux. On voit clairement ce qu'il n'est pas, et il faut deviner ce qu'il est en effet. C'est un homme qui ne se mesure point, qui ne se connaît point. Son caractère est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre et qui est le sien. L'homme du meilleur esprit est inégal. Il souffre des accroissements et des diminutions. Il entre en verbe, mais il en sort. Alors, s'il est sage, il parle peu, il n'écrit point. Il ne cherche point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume? Ne faut-il pas attendre que la voix revienne? Le saut est automate, il est machine, il est ressort. Le poids l'emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans le même sens, et avec la même égalité. Il est uniforme, il ne se dément point. Qui l'a vu une fois, l'a vu dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie. C'est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle. Il est fixé et déterminé par sa nature, et j'ose dire par son espèce. Ce qui paraît le moins en lui, c'est son âme. Elle n'agit point, elle ne s'exerce point, elle se repose. Le sot ne meurt point, ou si cela lui arrive selon notre manière de parler, il est vrai de dire qu'il gagne à mourir et que dans ce moment où les autres meurent, il commence à vivre. Son âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu'elle ne faisait point. Elle se trouve dégagée d'une masse de chair où elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d'elle. Je dirais presque qu'elle rougit de son propre corps et des organes bruts et imparfaits auxquels elle s'est vue attachée si longtemps et dont elle n'a pu faire qu'un sot ou qu'un stupide. Elle va d'égal avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes ou les hommes d'esprit. L'âme d'Alain ne se démêle plus avec celle du grand Condé, de Richelieu, de Pascal et de Lingendre. La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs ou dans la conduite, n'est pas ainsi nommée parce qu'elle est feinte, mais parce qu'en effet elle s'exerce sur des choses et dans des occasions qui n'en méritent point. La fausse délicatesse de goût et de complexion n'est-elle, au contraire, que parce qu'elle est feinte ou affectée. C'est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qu'il ne lui fait pas de peur. C'est une autre qui, par miniardise, pâlit à la vue d'une souris, ou qui veut aimer les violettes et s'évanouir aux tubéreuses. Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un prince, quelque bon et quelque puissant qu'il fût, voudrait-il l'entreprendre? Qu'il l'essaye, qu'il se fasse lui-même une affaire de leur plaisir, qu'il ouvre son palais à ses courtisans, qu'il les admette jusque dans son domestique, que dans les lieux dont la vue seule est un spectacle, il leur fasse voir d'autres spectacles, qu'il leur donne le choix des jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements, qu'il y ajoute une chair splendide et une entière liberté, qu'il entre avec eux en société des mêmes amusements, que le grand homme devienne aimable et que le héros soit humain et familier. Il n'aura pas assez fait. Les hommes s'ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leur commencement. Ils déserteraient la table des dieux, et le nectar avec le temps leur deviendrait insipide. Ils n'hésitent pas de critiquer des choses qui sont parfaites. Il y entre de la vanité et une mauvaise délicatesse. Leur goût, si on les en croit, est encore au-delà de toute l'affectation qu'on aurait à les satisfaire, et d'une dépense toute royale que l'on ferait pour y réussir. Ils s'y mêlent de la malignité qui va jusque à vouloir affaiblir dans les autres la joie qu'ils auraient de les rendre contents. Ces mêmes gens, pour l'ordinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir. Quelquefois on ne les reconnaît plus, et l'on voit l'homme jusque dans le courtisan. L'affectation dans le geste, dans le parler et dans les manières est souvent une suite de l'oisiveté ou de l'indifférence. Et il semble qu'un grand attachement ou de sérieuses affaires jette l'homme dans son naturel. Les hommes n'ont point de caractère, ou s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démonte point, et où il soit reconnaissable. Ils souffrent beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre, et s'ils se délassent quelquefois d'une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent d'un vice par un autre vice. Ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent. Il leur coûte moins de joindre les extrémités que d'avoir une conduite dont une partie naisse de l'autre. Ennemis de la modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite supporter l'excès, ils l'adoucissent par le changement. Adraste était si corrompu et si libertin qu'il lui a été moins difficile de suivre la mode et se faire dévot. Il lui en eût coûté davantage d'être homme de bien. D'où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastres s'échappent et ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients? Ce n'est pas sagesse en eux qu'une telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément point. C'est donc un vice, et quel autre que la vanité qui ne se réveille et ne se recherche que dans les événements où il y a de quoi faire parler le monde et beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste? L'on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop parler, maxime musée trivial que tout le monde sait et que tout le monde ne pratique pas. C'est se venger contre soi-même de parler peu, très souvent de trop parler, maxime usée trivial que tout le monde sait et que tout le monde ne pratique pas. C'est se venger contre soi-même et donner un trop grand avantage à ses ennemis que de leur imputer des choses qui ne sont pas vraies et de mentir pour les décrier. Si l'homme savait rougir de soi, quel crime, non seulement caché, mais public et connu, ne s'épargnerait-il pas? Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu'où ils pourraient aller, c'est par le vice de leur première instruction. Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d'esprit qui contribue à les rendre sages. Il faut aux enfants les verges et la férule. Il faut aux hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons. La raison et la justice dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n'intimident. L'homme qui est esprit se mène par les yeux et les oreilles. Timon, ou le misanthrope, peut avoir l'âme austère et farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieux. Il ne s'échappe pas, il ne s'apprivoise pas avec les hommes, au contraire, il les traite honnêtement et sérieusement. Il emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité. Il ne veut pas les mieux connaître ni s'en faire des amis, semblable en ce sens à une femme qui est en visite chez une autre femme. La raison tient de la vérité, elle est une. L'on n'y arrive que par un chemin, et l'on s'en écarte par mille. L'étude de la sagesse a moins d'étendue que celle que l'on ferait des sots et des impertinents. Celui qui n'a vu que des hommes polis et raisonnables, on ne connaît pas l'homme, on ne le connaît qu'à demi. Quelques diversités qui se trouvent dans les complexions ou dans les mœurs, le commerce du monde ou la politesse, donnent les mêmes apparences. Font qu'on se ressemble les uns aux autres par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous, et qui font croire qu'il n'y a rien ailleurs qui ne s'y rapporte. Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou dans la province, y fait bientôt, s'il a des yeux, d'étranges découvertes. Il voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon. Il avance par des expériences continuelles dans la connaissance de l'humanité. Il calcule presque en combien de manières différentes l'homme peut être insupportable. Après avoir mûrement approfondi les hommes et connu le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts et de leurs affections, l'on est réduit à dire qu'il y a moins à perdre pour eux par l'inconstance que par l'opiniâtreté. Combien d'âmes faibles, molles et indifférentes, sans de grands défauts et qui puissent fournir à la satire. Combien de sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui, par leur singularité, ne tirent point à conséquence et ne sont d'aucune ressource pour l'instruction et pour la morale. Ce sont des vices uniques qui ne sont pas contagieux et qui sont moins de l'humanité que de la personne.